Quand le petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leur volet. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise, déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là, j'ai voulu, d'un élan superbe, conjuguer le verbe, aimer son prochain. Et j'ai renversé à trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Moi, allons donc, je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu? Tes jours, es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors, ce mariage, entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent